Seigneur soit loué. Bwana Mungu asifiwe. Nous saluons chaque frère et chaque sœur dans le nom de Jésus-Christ. Tumasalimia kila nduku na kila dada mujina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nous en profitons pour saluer tous nos visiteurs. Tunafaidia njosania wageni wetu wote qui sont venus pour la circonstance du mariage. Wenyewe walikuja njoo ya mambo ya karamu. Et nous en profitons pour saluer nos frères et nos sœurs qui nous suivent en ligne. Que des riches bénédictions de la part du Seigneur reposent sur chacun de vous. Il y a le frère Deborah qui a salué toute l'assemblée. Le frère Jean-Marie aussi. Il est encore à Lubumbashi. Il a salué toute l'assemblée au nom de Jésus-Christ. Le pasteur est arrivé depuis hier. Il est encore à Lubumbashi. Il avait beaucoup de courses à faire. C'est pourquoi il n'est pas avec nous. Ils sont en bonne santé. Le Seigneur voulant peut-être ce soir, s'il terminait ce qu'il a à faire pendant la journée aujourd'hui, il serait avec nous ce soir. Et il a salué toute l'assemblée au nom de Jésus-Christ. Nous allons incliner nos têtes. Boa. C'est dans le nom de Jésus-Christ que disons grand merci de cette faveur imméritée que tu nous as faite. Nous qui étions nés comme des fils et des filles des hommes, dans ton amour immense, tu n'as pas regardé à nos fautes. Dans ton amour immense, tu n'as pas regardé à nos méchancetés. Ton amour t'a poussé, Seigneur, à te revêtir d'un corps humain et à te charger de nos iniquités. Notre malédiction, lahana yetu, et tu as accepté de subir le châtiment na à notre place. Te disons grandement merci. Tout cela parce que tu visais une seule chose. Tu visais de faire de nous des fils de Dieu. Nous voici rassemblés ce matin, Seigneur, selon que tu nous as appelés des différentes tribus, des différentes langues, des différentes nations, pour nous faire porter le nom de Jésus-Christ, pour nous faire porter la nature de Christ. Nous savons quoi te dire. Sinon, Seigneur, accepte de prendre toute notre vie comme un sacrifice vivant. Pardonne notre folie. En tant que des hommes, Seigneur, nous ne comprenons pas beaucoup de choses. Nous agissons en insensé. Viens maintenant, Seigneur, par ton sang, purifie chaque cœur, purifie chaque esprit, purifie chaque vie, agrée nos prières, fait que notre présence en ces lieux puisse tirer profit du Saint-Esprit. Visite chaque cœur, visite chaque âme, Seigneur, tel que nous sommes entrés, qu'il n'en soit pas ainsi à notre sortie. Et même nos visiteurs, tu es Dieu qui parle au cœur. Fais-le encore ce matin. Merci pour avoir gardé ton serviteur dans le déplacement et la sœur. Tu les as ramenés en paix. Te sommes vraiment reconnaissants. Garde-le encore pendant le bref séjour à Lubumbashi. Et quand les frères et la sœur seront parmi nous, louerons ton nom. Toi qui as gardé ceux qui ont fait de longs déplacements, que ce soit de Lubumbashi, de Fungurume, de Kolwezi, de Likasi, garde-le au retour. Et bénis leur séjour parmi nous. Et conduis les choses de manière que tout se fasse en paix. Bénis la parole qui sera Mubariki, lue, que ça ne soit pas mes pensées, mawazo yang, ni mes objectifs, wala, shaba yang, mais toi-même, mais lakini wo mwenye qui wana, a promis d'enseigner, ulilaka kufundisha, viens enseigner shuka, ton peuple, taifa yaku, viens te révéler, uye ujifunue, viens convaincre, uye wakikishie, et viens na, réprimander. Uye tena ukeme. Nous le demandons avec foi, imani, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Mungwetu. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous prenons Ephésiens chapitre 5. Ephésiens chapitre 5. Verset 22. Femme, que chacune soit soumise à son mari. Babibi, kila moja wenu apate kuwa mtiifu kwa bwana yake. Comme au Seigneur. Sawa vile bwana. Car le mari est le chef de la femme. Kwani bwana njo chefu yake ya bibi. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, babwana. Que chacun aime sa femme, kila mutu apende bibi yake, comme Christ a aimé l'Église, vile Kristu alipenda kanisa, et s'est livré lui-même pour elle. Na ye mwenyewe alijitoa juu ya kanisa. Verset 28. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Joivi bwana anapaswa kupenda bibi yake sawa mwili wake mwenyewe. Celui qui aime sa femme, unapenda bibi yake, s'aime lui-même. Anijipenda ye mwenyewe. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Sababu kamwe akuyakuwaka mtu anachukia mwili yake. Mais il la nourrit. Lakini eko nailisha. Et en prend soin. Na eko naihangaikia. Comme Christ le fait pour l'Église. Mpaka vile Christ eko naihangaikia na yona lisha kanisa yake. 31. Makumi tatu na moja. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Kwa maana mwanaume atacha baba yake na mama yake. S'attachera à sa femme. Na atenda kuambatana na bibi yake. Et les deux deviendront une seule chair. Na aba wawili batakuwa mwili mmoja. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Que la femme respecte son mari. Na bibi aheshimie bwana yake. Que le Seigneur bénisse la portion de l'écriture. Bwana abariki sehemu ya andiko. Nous avons toute la semaine, les deux semaines passées, imajuma mbili inapita, nous étions en train d'apporter un message sur le livre d'Apocalypse 3. Apocalypse 3, verset 14 jusqu'à 22. C'est une prophétie qui nous concerne, nous particulièrement. Nous qui sommes à la fin du temps de la grâce pour les nations. Nous sommes vraiment les concernés. Ni mambo yetu kabisa. Et cet âge na ikizazi Bibliquement, Dieu l'a nommé âge de la Odyssée. Mu Biblia Bwana itasema ni kizazi cha Laodikia. C'est en rapport avec la ville de la Odyssée qui a existé en Turquie. Ni kufatana na mji wa Odikia ilikuwa kule ku Turquie. La Odyssée qui est le nom d'une femme. La Odikia yenyewe kwa jina mwanamke. Une princesse. Alikuwa ni malikia. D'un empire qui a existé dans le temps. Wakifalme mwa kilikuwa kaku mzamani. C'est pourquoi vous allez remarquer. Ni kwa maana mtaona. Les choses naturelles bitu asili sont un enseignement pour les choses spirituelles. Ni mafundisho juu ya bitu ya kiroho. Vous allez remarquer que nous vivons dans un âge mtaona kusema tu mkizazi kimoya où la femme est tellement à la une de toutes choses. Nisema bitu vyote vyapenda kunyanyula mwanamke wala kumpandisha. Et Satan en a fait son instrument préféré. Na shetani alifanya na kuwa chombo yake. Satan utilise la femme en ces temps de la fin. Mui wakati ya mwisho shetani atumisha kabisa mwanamke. Pour détruire jua kuharabisha les mœurs. Ah, ata heshima namna mzuri ya kuishi. Mukario. Détruire vraiment les mœurs des gens. Kuharibisha kabisa mukario. Tel que la chute avait commencé par la femme, vous allez remarquer que aussi en ces temps de la fin, la femme est à la base de beaucoup de choses qui arrivent maintenant. C'est pourquoi Satan l'utilise. Satan l'expose. Satan eko na muweka wazi wazi. Satan la déshabille. Eko na muvura mwanamke. Tout ça. Ile yote. Pour détruire la morale. Ni yote ni jua kuharibisha tu heshima. Pour pervertir les esprits des gens. Jua kuharibisha maro ya watu. Satan l'expose même là où il ne faut pas. Satan est un amour comme un amour qui n'a pas la Israélie. Vous allez constater. Vous t'avez un thème. Même dans les milieux sportifs. Ata muaba kucheza michezo. Une compétition de boxe. Compétition ya boxe. Bantu wanacheza mangumi. La femme doit passer en sous-vêtement. Ni mwanamke ndio atapita pasipo mangoa msuvêtement. Pour montrer que maintenant c'est le deuxième round, le troisième round. Dieu a connu ça, c'est ma une deuxième qui pande à pile à Bukombi, une qui pande à tâche. Un combat de masculin. Bukombi au makofi au banaume. Dis-moi qu'est-ce que la femme nue a à voir dans cette affaire. Mwanamke washipo mango anakofuata munini. Et on la, Satan la prend. Na Satan yanombebo na mwanamke. Et inspire les gens. Na yana sukuma batu. A organiser même des défilés, des misses, ainsi de suite, des modélistes. Kufanya tama défilé ma misses, ma modélistes. On la déshabille totalement. Kusema Satan na muvula mwanamke kabisa kabisa. Ceux qui étaient respectueux. Ile barikuwa bengo na heshimia. Maintenant est porté publiquement. Sasa hapa ni pa wazi wazi tu bananza biweka. On l'expose sur les réseaux sociaux. Pa mamutandao Facebook, WhatsApp na muweka. Comme si ça ne suffisait pas. Utona sapa la ikwene. Les églises aussi. Makanisa na yo. On prie la femme. Banabeba mwanamke. Pour en faire au lieu de placer des diacres, on en a fait des protocoles. Pari ya kuweka bashimashi pa milango, banaanza kuweka pa milango ba protocole banamuke. Elles se tiennent là. Banashimama kumbele. Elles accompagnent les pasteurs avec la Bible. Banamsindisha pasteur na Biblia. Elles sont là pour accompagner, servir le pasteur dans le bureau. Muna mu bureau, joba kumsaidia kumwekea pasteur mai, kumpangia bibi. Utona sa ikonele pale. La femme est devenue même, est montée même à la chair. Mwanamke anapanda na kumimbari. Mama visionnaire. Mama visionnaire. Yenjo alianza kanisa. Yenjo mubiri. Yenjo mama fulani. Yenjo mama fulani. Et tout ça. Na ile yote. Dieu a bien vu. Mungu alionaka mzuri. Que l'âge de la Odyssée. Sema kizazi kya Laodikia. Tel que la ville de la Odyssée, les choses se passaient là-bas. Baka vile muji ya Laodikia vitu vilikuwa kule. Ce sera un temps terrible. Itakuwa ni wakati mwa ya mbaya kabisa. La femme perdra toute sa valeur. Mwanamke atapoteza heshima bei yake yote. Tout son honneur. Heshima yake yote. Elle deviendra le jouet des gens. Na atakuwa tu kichezesha kya watu. C'est elle qui corrompt l'esprit des politiciens. Ni mwanamuke, njo na labisha maro ya bafanya siasa. Les familles aujourd'hui sont perverties parce que la femme n'a pas gardé sa place. Amen. Ah. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à la femme. Mais lakini, Dieu ne manque pas de témoins. Mungu akosake bashuda. C'est pourquoi, pour nos sœurs, nous vous conseillons, c'est à la lumière de la parole de Dieu, restez à votre place. C'est le seul âge ou la seule période où Satan a même inspiré les gens, non seulement à consacrer une journée pour la femme, mais maintenant c'est tout un mois. Et voyez ce qu'elles font. C'est vraiment malheureux. Ces choses ont leur origine. Ce sont des esprits qui ont voyagé à travers des âges. Regardez comment Satan l'a humilié. Et elle est la seule créature, frère, de toutes les créatures, de tous les couples qui existaient au jardin d'Éden. Quand vous voyez le lion et la lionne, Simba na Simba mwanamuke, le coq et la poule, jogo na nkuku mwanamuke, le canard et la canne, mbata na mbata mwanamuke. Vous allez trouver que chez toutes les créatures, mutona kusema kubali ile maumbile yote, la femelle mwanamuke n'est pas jolie. Ay, mwanamuke kalaye mzuri, mwanamuke kalaye mzuri, ashina mzuri. Mais chez l'homme particulièrement, Dieu a donné la beauté à la femme. Mais maintenant, Satan, pour se moquer d'elle, elle n'est pas satisfaite de ce que Dieu a fait d'elle. Comme nous sommes dans une période, dans un âge de la corruption, de la piraterie, de l'hybridation, Satan l'a fait croire que tel que Dieu t'a créé, tu n'es pas présentable. Il faut que tu mettes des cheveux, des faux cheveux de couleur rouge. Ton teint ici que Dieu t'a donné, Dieu s'est trompé. Toi, tu dois ressembler au blanc. C'est ainsi qu'elle passe son temps à frotter son visage. Et comme si ça ne suffit pas, toutes les usines qui fabriquent des lotions ne visent pas pour que l'homme éclaircisse son teint. C'est destiné aux femmes. Elle change de teint. Même quand elle est témoin des conséquences chez d'autres personnes, mais néanmoins, elle te donne une leçon. Non, il est à ce qu'on fait un jour. Elle n'a pas appliqué correctement. La façon dont moi je suis en train d'appliquer, je suis en tout cas dans le bon. Même quand vous lui faites voir que vous allez lentement mais sûrement vers un cancer de la peau, Satan ne la laisse pas tranquille. Satan la pousse à exposer ses seins, à exposer son bassin. C'est ça l'âge de l'Odyssée. C'est un âge qui porte le nom d'une femme. C'est pourquoi la femme est à l'honneur dans les églises, en politique, en tout. Tout ça, Satan se sert de la femme pour détruire l'humanité. Pour détruire les églises. Amen. Je ne dis pas ça pour nos sœurs. Mais faites attention. Mais sont des esprits de l'âge. Et les esprits n'iront pas loin de vous parce que vous adorez au tabernacle. Non. Non. Satan n'a aucun respect. Satan a ishimia ke muntu. Même que tu sois représentant légal. Ataka mon représentant légal. Bishop. Maman visionnaire. Satan ne respecte pas. Satan a ishimia ke bilebeoti. Amen. C'est le seul âge. Nikizazi tukimoya. Frère. Nduku. Où tout a été piraté. Mule bitu biote banesa bigeuzo asa biarabisha. C'est depuis l'Odyssée. Tangia l'Odyssée. C'est là qu'il y a eu mélange de la religion et de la politique. Muchango ya dini na siasa. C'est pourquoi vous voyez même dans notre pays, non, association des églises pentecôtistes, quelque chose comme ça, indépendante, tout ça, ils veulent avoir de l'audience auprès du chef de l'État. Mungano ya makanisa ya kipenti. Ile yote la fabili njua ni njuba pate ko namna kufika kwa president. Non, le président de la CENI doit venir de nous. CENI anapasha kutia kwetu. Est-ce que l'église est établie pour ça? Kanisa iko pale juu ya ile mambo. C'est la période où vous verrez mariage, ni wakati ile mélange de toute la saleté du monde avec l'église. Mutakuta mungano ya buchafu yote ya mdunia pamoja na kanisa. C'était comme ça à la Odyssée. Na munaodikia njo vile biku yako. C'est pourquoi Dieu, kwa Mungu, cette ville là ne méritait pas de subsister. Kwa Mungu ile mji hakustahili tena ipate kuwa. Dieu a décidé de la détruire. Mungu alibea mpango wa kuharibisha ile mji. Par des séismes, des tremblements de terre. Bulongo tetemeka. Parce qu'ils ont fait des choses comme si eux prenaient la place de Dieu. Et Dieu n'a pas supporté ça. Néanmoins, vous verrez ces esprits-là aussi agir en ces temps. C'est pourquoi vous allez remarquer, c'est l'âge, le seul âge où Jésus est chassé. Yes, basta mufukuza makanisa. Les gens dansent, batu venacheza, chantent, yonaimba, ils font tout, na bina fabitu yote. Mais néanmoins, lakini tu, la parole de Dieu n'est plus considérée. Aba eshimia tena sauti ya Mungu. Alors que normalement l'église japo kawaida kanisa doit veiller inapasha à ce que toutes les pratiques ya kusema matendo yote, toute l'adoration, yoti, tout ce qui se fait, yote afanika, doit se faire panika, tenant compte de la parole de Dieu. Sauti ya Mungu. Mais les églises, mais la vous leo, pouvez présenter la parole à quelqu'un. Leo, regardez ce que dit Angaria, l'Écriture andiko, au sujet du vrai baptême. Inasema kubatizwa kweli. C'est au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Vous verrez la personne vous dire. Ule mtu anaweza kuambia. Mukanisa yetu sisi tunafanyaje? Dans notre église nous on fait ça. Oui, ils sont maîtres d'eux-mêmes. Bo ni ba chef wa bo wenyewe. Jésus qui est la parole. Yesu mwenye kuwa neno. N'a plus de place. Ana tena nafasi. Amen. Amen. Vous allez trouver des gens. Tautabasi. Les gens s'organisent des choses. Batu bera tengeneza bitu. Comme si c'était des ONG, des associations politico-tribales, économiques, ceci, cela, groupement Maman Présidente, ceci, cela. Posez-leur la question. Ces choses-là ont quel fondement biblique? Non. Je me suis dit, c'est ça que nous faisons dans notre église. C'est pour dire que Njorsema, Jésus, la parole a été chassée. Yesu neno, c'est pourquoi vous voyez dans Apocalypse 3, verset 20, tatu, Jésus lui-même, voyant qu'il a été chassé, Yesu, il lui dit, anasema, je me tiens dehors à la porte. Niko inje mbele ya mulango. Pas de l'église. Apana ya kanisa. Parce que l'église l'a déjà chassé. Kanisa inesha mfukuza. Je me tiens à la porte. Mina sima mulango. C'est lui. Ule. Qui entendra ma voix. Atashikia kwa sauti yangu. Quand l'appel est adressé. Apa mwitu. Aux individus. Neno neta ni kila mutu palwaki. Mais quant communautés entières, ils l'ont déjà chassé. Amen. Jésus n'a plus de place. Et vous trouvez, les gens se mettent autour d'une table pour dire, nous croirons ceci. Nous, désormais, il faut faire la théologie. Il faut entrer au couvent. Il faut ceci. Posez-leur la question. C'est écrit où? Non, ce sont les pères fondateurs. Mais Jésus, lui, il a dit, je fonderai mon église sur base de la révélation. Mais eux, les hommes se sont mis à table pour concevoir et écrire. Tout cela c'est quoi? Les gens adorent Satan sans le savoir. C'est ça le danger de cet âge. Le Dieu de cet âge a aveuglé les représentants légaux, tous les responsables religieux. Tout ça pourquoi? Quand vous rejetez les dons de Dieu dans votre âge, les prophètes que Dieu vous envoie, c'est fini, vous tombez dans les ténèbres. C'est pourquoi, observez les églises, ils ont des ténèbres en ténèbres. Elles ne se relèveront plus. Mais néanmoins, Dieu appelle maintenant des intérêts. C'est pourquoi il dit, sortez du milieu de vous, mon peuple, vous qui m'entendez, séparez-vous, parce que toutes les choses sont des souillures. Et le véritable croyant, la Bible dit dans psaume 119, que on peut lire ça. Psaume 119. Zaburi 119. Psaume 119. 119, Zabul. Verset 161. Des princes me persécutent sans cause. Wafalme wenente swa bila sababu. Mais lakin mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Moyo wangu inatetemekaka paka kwa sauti yako. Le vrai chrétien, Kristo kweli, lui, yeye, son cœur bouge. Moyo wake unatenkaka. Il s'agit de la parole. Ni wakati mama asema njoo neno la Mungu. Mais quand il s'agit de doctrine, dogme fulani, credo, mafundisho kwa chana ya makanisa, nous avançons. Je tunaendelea. Nous bougeons. Unatenka. Quand la parole parle. Wakati neno nasema. C'est ça le bon conseil. Joshauri Muzuri. Nous tenons compte dans notre vie seulement de la parole de Dieu. Ce que peut dire maman visionnaire, n'importe maman visionnaire sana, représentant les gars, n'importe quoi. Mais ce que Jésus dit de la parole, là je bouge. Amen. Ah. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui sont nés de Dieu écoutent Dieu. Ceux qui sont de Dieu écoutent Dieu. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu écouteront les églises, écouteront les langages du monde, feront ce que le monde propose. Mais les brebis entendent la voix du Seigneur et suivent le Seigneur. Et ceux qui sont de Dieu écoutent les envoyés de Dieu. Parce que les envoyés de Dieu ne viennent pas avec leur pensée, mais viennent avec ainsi dit le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. C'était une petite introduction. Nous allons poursuivre notre prédication mardi. Néanmoins, comme il est question du mariage, comme Satan a dérangé toutes choses, Satan a même dérangé le mariage. C'est pourquoi Paul par le Saint-Esprit, dans Ephésiens qu'on a lu, il dit c'est un grand mystère. Or, tout mystère, ce n'est pas le pape qui doit révéler ça. Ce n'est même pas. Ce n'est ni Ngoindaï, ce n'est aucun représentant légal. Tout mystère de la Bible qui doit le révéler, lui-même qui a fait de cela un secret. Il faut qu'il vienne, qu'il vous dise pour ce qui est du mariage, voilà comment il faut entrer en mariage. Voilà comment il faut vivre dans le mariage. Amen. Amen. Comme c'est un grand mystère, Dieu, Mungu, dans cet âge, kizazi, n'a pas voulu akupende, que ce mystère isiri, demeure ibakie, mystère. Musiri. Il a tenu Arishika, comme il a vu que la confusion était partout. Mélange en tout. Piraterie, même dans le mariage. On prend homme, on appelle ça mariage. Femme, on appelle ça mariage. Une femme avec un chien, on appelle ça mariage. Dieu a vu ça. Comme lui voit la fin avant le commencement. Quand il a vu ça, il a dit, je ne peux pas laisser le monde finir comme ça. Néanmoins, comme j'ai mes enfants, ont droit à la vérité. Pourquoi? Seule la vérité libère. Seule la vérité fait échapper à toute la corruption du monde. Et Dieu voulait que ses enfants se marient honorablement. Pourquoi? Parce que même l'État, même le gouvernement, même les parlements du monde entier sont tombés dans la corruption. C'est eux qui votent des lois pour dire mariage homme-homme. Le mariage pour eux, c'est entre deux parties. Deux personnes. Alors c'était faux. Le fondateur du mariage, lui a appelé mariage mâle femelle. Homme-femme. Et cela, il ne l'a pas donné aux bêtes. Les bêtes vivent dans un désordre sexuel. Le mariage, c'est pour l'homme. Amen. Dieu l'a donné aux hommes. Malgré notre état de péché, Dieu a dit non, l'homme est mon image. Il mérite quand même du côté mariage. Il ne peut pas vivre une vie désordonnée sexuellement. Comme les Babemba appellent boulalalale. Babemba, c'est ma coulalalala fâche yote. Je prends celle-ci. Je couche avec elle. J'abandonne. Elle aussi, on la prend là-bas. On la prend là-bas. On la prend là-bas. Mais c'est un désordre. Mais il est chinifujo. Et vous trouvez na, utakuta, dans cet âge kizazi, les églises makanisa, où on bénit des mariages, les gens batu, qui se sont déjà connus. Bale basako, patanaka, tout ça il est ôté, au nom d'église. Baka, mungina, kanisa kikritu. C'est faux. Ni bongo. Et Dieu voyant cela, na mungu mukona vile, Comme il avait vu au temps de la Odyssée, l'ancienne ville, il y avait une poignée de gens. Il y avait une petite église. Une véritable église. Quand bien même la religion dominante était un mélange du paganisme et de la parole. Il kwa ni mchango wa kipagano. Dieu s'est réservé. Mungu alijitungia. En ce temps-là, wakati, une poignée de gens. Kankundi kama kaloko na batu. Bale bo. Vivaient selon la volonté de Dieu. Fatana mapenzi ya Mungu. Mais c'était un groupe insignifiant. Mais lakini kwa ni kankundi kaloko kabisa. Ils n'avaient pas de poids. Aba kwa na bujito kabisa. Comme l'église. Sa vile kanisa. Dans toutes les périodes de l'histoire. Mwakati yote a été toujours une minorité. Ile kani paka ya batu kidoko. Mais la grande masse, mais la kini kundi munene, c'est mélange. Ni muchango. C'est pourquoi la Bible dit, je comprends bien asema, le chemin est étroit. Kandia kyo kembamba. Mais l'autre spacieux, mais la kini kya kinene, beaucoup de foule passe par là. Wa mingi mais le chemin est étroit. Mais kan et le conseil de la parole, na, aneno, efforcez-vous d'entrer par la porte mwe, étroite. Mujikaze mungire pakare kamlango kembamba. Et la porte étroite. Na kare kamlango kembamba. En observant, ni mkuangaria, na kuheshimia bile Mungu alisema. Même pour le mariage. Atanju ya ndoa. Amen. Amen. Il y avait tellement de la fraude à la Odyssée. Sema muna Odyssée mulikuwa kuibia kwa mingi. Kuibia kwa mingi sana. De la fraude. Et Dieu a vu ça. Na Mungu aliona kaili. Que kuibia kutengia ta mumando. Sema, même la fraude entrera dans le mariage. Un Thessalonicien. Wa Thessalonika wa kwanza. Un Thessalonicien. Wa Thessalonika wa kwanza. Un Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. À la maison, lisez même verset 1 et 2. Ce que Dieu veut, pas ce que le Kambov Tabernacle veut. Non. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Nikusema mujizuize kuzinifu. Bana sepa ka banamuke. Eh c'est ça concerne seulement les femmes? Na banaume. Et les hommes aussi. Mwende mbari na buchafu bwa kupatana mu mwili. Allez loin de la débauche, c'est dit. Bwana mbari. Ah. Maintenant on a eu à Léo. Maintenant aujourd'hui vous voyez. Munte kona chafu kata na téléphone. Quelqu'un peut s'essuyer même à travers son téléphone. Anachafuka na esprit na chafuka. Fuyé jusque dans son esprit, mais sur son téléphone. Verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Nikusema kila moja wetu apate kuyua kushika mwili yake mubutakatifu na mheshima. Wewe mwenye amini akusema. Kwa mimi tu dois croire. Mwili yangu chezi bikabula en désordre. Je ne dois pas céder mon corps en désordre. Kami natakufanya bintu. Lorsque je voulais faire les choses. Tebifambi enye kunyolo. Je dois les faire honnêtement. Abezi kwanza kweushi. On ne doit pas aller m'attraper en flagrant délit. Sani kungulube. Comme si j'étais cochon. Apana. Non. Na mimi chezi kwenda kweushi. Je ne peux pas aller nuitamment. Je ne peux pas faire des choses pareilles. Je suis un enfant de Dieu. S'il faut m'engager, je dois m'engager officiellement. S'il faut m'épouser, on doit m'épouser officiellement. Et tout le monde sera témoin que je suis marié et je me suis marié. L'honnêteté. C'est faire des choses correctement et ouvertement. Sans vous livrer, verset 5, à une convoitise passionnée. Bila kujitoa kumatama. Apana tu kuichika matama iku na kusukuma ku téléphone. Accepter des convoitises qui vous envoient au téléphone. Utiliser la femme d'autrui. Bwana wa benyewe. Ouais, mari d'autrui. Acha usitike maisha yako, mwili yako, matama yanzi kuyongoza. N'acceptez pas que vous soyez conduit par vos passions. Comme font les païens. Kama wapagano wafanyaka. Qui ne connaissent pas Dieu. Bale benya bamujyo Mungu. Donc les païens qui ne connaissent pas Dieu sont poussés par la convoitise. Botama njo ne basukumaka. Atani Biblia benyewe. Kambi même c'est la femme d'autrui. Ni amaisha kumubamu. Comme c'est la convoitise qui la nime. Il va coucher avec elle. Atani bwana même si c'est un mari d'autrui. Vile birisha comme elle est poussée par la sensation de la convoitise jusqu'à ce qu'elle va coucher avec elle. Ashishutuk. Il ne s'inquiète pas. Maintenant verset 6. Mutsakia 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Ni kusema mumambo yote tushukue na tamaa mno na kuibiana. Ima affaire haina paka kuzisha bintu na dribler mwinja kwa. Les affaires ce n'est pas seulement dans les affaires. Même dans les relations. Ata mapatano. Pour se marier. Jua kuana. Mushikwe ba fraudeur. Ne soyez pas ba kuibiana. Bibi ashina wako. La femme qui t'appartient pas. Jeune awende kwabo. Tu n'es pas parti chez lui. Umwache. Chez les parents de la jeune fille, arrêtez avec. Umwache. Arrêtez avec cette fille. Wakukoa akuyola takwa kona bazazi yako. Celui qui va te marier, qui soit celui qui viendra voir tes parents. Wawe koa ukuye ule we utenda kukonkola kwabo. Tu dois aller toquer chez les parents. C'est qu'ils sont en train de passer sous la rue. Si vous allez avec eux, ou fraudeur, ou mouiji, ou mouiji, ou puisse engrosser, et c'est fini. Il est fraudeur, mais qu'est-ce que Dieu dit? Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Ça, vous avez vu le but de Dieu? Dieu ne vous laissera pas impuni. Tu pars engrosser ici. Et tu es souple, tu es malin. Tu vas dévierger la fille d'autrui. Tu couches avec la femme d'autrui. Na temba na bwana benyewe, et tu couches avec le mari d'autrui. Soku, et tu penses que nani, muntu wa nguvu. Tu es tellement fort, robuste. Auna wa nguvu kumpita wa tu n'es pas fort plus que Dieu. Parce que lui il t'observe et il connaît même bêtise dernière bêtise tu le feras telle part après, et après ici moi je vais commencer maintenant à te punir, te châtier. Tu monteras dans des montagnes dans des groupes de prière. Matoka et Takuaku, tu vas gêner la kili Matoka et Takuaku. Amen. Amen. Kushukwe bantu wa kuibia mumambo ya ndoa. Dans les affaires du mariage il n'y a pas de fraudeurs. Comme la coutume ici chez nous, ça se fait au coucou. Il faut verser la dot. Il n'a pas couru pas mal. Verser la dot. Couru pas mal. Apa na kuiba mtoto wa benyewe. N'allez pas voler la fille d'autrui. Na we mwenyewe huko na chika kama nakupeleka mwenendo. Tu acceptes qu'on t'amène dans de tels mariages. Le mariage. Doa. Hébreux 4 verset 8. Wa Ibrania ine musaki amunane anasema hivi. Que le mariage doa soit honoré de tous. Yeshimiwe na batu wote. Tous ici, nous devons respecter. Chibote, tu n'as pas chez Chimie Andor. Mais pourquoi on les respecte? Djouba et Chimie et Chimie Andor. Si tu n'as connu, tu n'as pas Michel na Dorcas. Que nous te voyons comme nous voyons Michel et Dorcas. Ni Bazazi, Roy n'a pas fondu. Tu as brisé le cœur des parents. Bana Chamboulana. Ils se sont insultés entre les deux familles. Mou bébé. Et prenez-la. Wendjoraz, vous me tombez. Et c'est toi qui la prenez à la maison, notamment. Et vous entrez dans les le mariage, les cœurs sont brisés. Et tu crois que tu vas t'en sortir. Et tu crois que tu vas t'en sortir. Non. Non. Il y fraudeur bote abukalake buzuri. Tout le fraude n'est pas correct. Si on vous découvre, c'est comme si tu as fait de matière fécale sur toi. Et pendant que je suis en train de parler, ba mouiji bote dans leur cœur, ils savent que c'est que l'homme de Dieu est en train de dire c'est la vérité. Et cela vous diminue en tout cas le respect. Vous allez voir tes beaux frères et toi-même là, est-ce qu'on t'avait épousé réellement? Et toi, tu veux pas dire la vérité? Tu es entré par fraude. Uringia mouiji mundo. Na wote kwa sime. Eto wame mpudia. Bo pere si ni konsidera ke. Uko yangu asine shimiyake. Ya kwa uringia mubuishi. Tue fraude. Uringia na buishi. Le bo pere. Baba mugo. Respecte quelqu'un qui est venu honnêtement. Ane mutu ula rikuwa munamna ya wazi wazi. La belle mère. Ma muko. A du respect. Ane shimiyaka. Vis-à-vis de sa belle fille. Muko yake mwanamuke. Qui a été prise honnêtement. Ule barimoa muzuri muzuri. Basi mke yako bado kwako banya shimi yake. Petit frère ne me respecte pas. Ni conséquence ya buishi. Ni matokeo parce que vous avez commencé avec le fraude. Ya kuibia plutôt, hapana buishi kuibia. Le fraude. Conséquence ya kuibia. C'est les conséquences ya fraude. Na kama kuna vivre ma conséquence leo. Et si tu vis matokeo. Kokota basi tuto yako mashikio. Mais na prends le temps de tirer les oreilles de tes enfants. Bonne chose mais kuibia mon enfant ya ndoa. Frauder dans le mariage, c'est la pure des choses. Moi, votre mère, je suis la preuve de votre père pleure tous les jours. Moi, votre père, je pleure tous les jours. Mes enfants n'osaient jamais frauder à ce concerne le mariage. Nabatoto, Batakushukuru. Lorsqu'il va se corrompre, ils diront que papa et maman me disaient ça. Amen. Dites la vérité. Mwambie ukweli. Sema kweli. Parlez même de la vérité. Elle vous choque. Hata kama ile ukweli nakuuma. Même quand elle vous blesse. Hata kama inakuumiza. Elle vous fait mal. Inakuuma kuro. Dites toujours la vérité. Sema paka ukweli. Parce que la vérité sababu ukweli libère les âmes. Inekaraka mkoka huru manafu. La vérité ukweli inaponyaka. Amen. Amen. C'est même le mariage. Dieu. C'est ça le mariage. John Doe. Hein? Et quoi? Dieu ne veut pas de fraude. Mungu apenda kila kuibia. Et Dieu s'est réservé. Na Mungu alichungia. Un petit groupe de gens. Undi mwa kidoko abati. Qui entreront honnêtement. Bale batengia na heshima. Et quand vous y entrez honnêtement. Na wakati unaingia na heshima. Le Seigneur lui-même fait une promesse. Bwana anafanya malaka. J'honore ceux qui m'honorent. Bale bon ngeshimisha. J'honore ceux qui m'honorent. Nuna heshimisha bale ngeshimisha. Honore. Unamheshimisha Mungu. Dieu aussi vous honore. Na yata kuheshimisha. Vous honorez, ce n'est pas vous donner beaucoup d'argent et tout ça. Non, non. Kuheshimisha anasa kama na kupatia makota ya mingi hapana. Dans le mariage, Mundoa, nous y allons pour la paix. Tunaenda mo ni njoo ya salama. Pour la joie. Njoo ya kupata mfuraha. Amen. Et même quand il y a des problèmes, tu peux te mettre à genoux, te référer à celui qui a été témoin de l'honnêteté pour entrer dans le mariage. Tu vas lui dire, Seigneur, tu connais mon cœur. J'ai gardé ma sainteté. Je suis allé frapper à la porte. C'est ainsi que je suis avec ma famille. C'est ainsi que je suis avec mon mari. Du haut des cieux. Toi qui honores ceux qui t'honorent. Ne peux-tu pas te souvenir de nous dans notre pauvreté, dans notre difficulté ici, et intervenir? Dieu, Mungu, n'est débiteur de personne. Akalaki na ndeni ya mtu. La Bible est correcte. Yeah, haiku ya kunyoloka. Dieu n'est débiteur de personne. Mungu ekalaki na ndeni ya mtu. Muswahili fasulu tasema. Na ni Swahili. Mungu ashibakeke ndeni ya mtu. Dieu n'est débiteur de personne. Kama ni salama. Si c'est la paix. Atakuwa mbio analeta salama. Il viendra vite te donner la paix. Kama ni batoto. Si c'est les enfants. Anapasha kufunga nguvu kwa ajili ya watoto. Il viendra vite pour les efforts pour vous donner les enfants. Kama ni feza. Si c'est l'argent. Anapasha kufunga nguvu kwa ajili. Il fera l'effort pour vous donner. Pourquoi? Si il ne le fait pas. Kama sifanye vile. Il faut. Inafadhali. Que tu lui dises. Umwambie asema hivi. Il y a un homme dans la Bible. Mubibia mukumuntu moya. Mashi kwa kirikuwa ishakuisha. Son séjour était déjà fini. Unamutumia na nabii. Il lui a envoyé même un prophète. Il dit qu'il doit arranger sa maison. Parce qu'il n'a pas chaud. Parce qu'il doit mourir. Mais où le monde? Mais cet homme-là. Aritongaka tu magoi. Il s'était mis à genoux. Anakuriri. Il t'avait imploré. Comme il marchait dans la droiture. Urumungezea kamia. Il avait prolongé les jours. Où le yé arifanka ni. Celui-là, qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce que na mimi na tembea mounyo? Parce que moi aussi, je marche dans la droiture. Ah, pour me marier. Alors, est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose. Dieu, il n'y a point d'injustice. Amukalake usalimu. Amen. Amen. Ni point de juste. Akukala ke uzalimu. La Bible dit. Vivia sema hivi. Romain. Wa Roma. Romains chapitre 10. Wa Roma. Kumi. Romains chapitre 10. Wa Roma, soit qu'il y a kumi. Verset 12. Soit qu'il y a kumi na mi. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec. Kwa kuwa, hakuna chanisho hata mwa katikati ya muyuda na muyunani. Amen. Amen. Pourquoi? Jua nini? Puisqu'ils ont tous un même Seigneur. Sababu bote beona bwana moya. Il n'y a aucune différence. Sima hakuna chanisho hata mwa Ezekia. Katikati ya Ezekia. Et toi. Na we. Pourquoi? Joanine. Vous avez tous le même bote, Seigneur. Muna bwana moya. Vous croyez tous au même bote, Dieu. Munaamini Mungu moya. Naba qu'on a appelé Jehovah. Kula alimuita Yehova. Et aujourd'hui. Na leo. Le Seigneur Jésus. Bwana Yesu Kristo. Qu'est-ce qu'il est? Qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. C'est qui, frère? Écoutez. Soyez-le facile. Dans les soyez-le facile. Pour quoi yoyote? Pour tous ceux qui l'invoquent. Viens m'aider. Invoquer, c'est appeler au secours. Ni kusema kuya onisaidie. Pour tous ceux qui l'invoquent. Kwa bale bote, il appelle au secours. Sa msaada, si lui, il est riche. C'est-à-dire kusema, il a tout a et il va vous le donner. Bon embarique. Le Seigneur bénit. Car Kwaani, quiconque invoquera le nom du Seigneur, ule ote ataita bonjina bwana, atamulomba Mungu. Onisaidie. Il appellera au secours Mungu au Seigneur. Mungu doit lui faire sortir dans les difficultés au secours. C'était sortir de la détresse dans laquelle tu te trouves. Revenons au mariage. C'était un grand mystère. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que les gens comprennent ce qui entre au mariage. Que vous voyez Christ et l'Église, c'est ça l'homme et la femme. Tel que vous vous comportez, baka vous le croyant, vis-à-vis de la parole, Mungu, toi la sœur, Dorcas qui entre au mariage, comporte-toi de cette façon, vis-à-vis de Michel. Je n'ai pas squishy mbele ya Michel. Amen. Amen. C'est pourquoi, frère, kwa maana nduku, toute famille, jama yote, tout couple, ndoa yote, où la femme domine, mule ni mwanamke choko na tawala, c'est une malédiction. Nilahana. Je reprends. Mina sematina. Toute nation. Taifa yoti. Tout gouvernement. Wala serikali yoti. Toute organisation. Wala matengenezo yoti. Où la femme est à la tête. Mure mwanamuke jono ngoza. Même les églises. Ata où la femme est à la tête. Mure mwanamuke jono ngoza. Satan qui dirige. Satani jono ngoza. Na nilahana. Pourquoi? Jua nini? La Bible répond. Biblia ajibu. 1 Corinthiens chapitre 11. Wa Korinto wa kwanza 11. Bageni mshitushangae vitu tunahubiri hapa. Ne vous étonnez pas, c'est comme ça que nous prêchons ici. 1 Corinthiens chapitre 11. Wa Korinto wa kwanza 11. Verset 2. Musaki api. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards. Est-ce que ce matin nous nous souvenons de Paul? Oui. C'est le seul apôtre que Dieu a chargé pour nous instruire, nous les nations. En l'élisant, nous nous souvenons que le Saint-Esprit, Dieu, nous a parlé par Paul. Ce que vous retenez mes enseignements ou mes instructions. Kwa vile munashika na mnabamba mafundisho yangu. Vile mko nabamba. Kwa mvueteni. Huko makanisa nayo bia pola mabamba ke bio. Leo si ni sisi pase de pole. Que la femme ne prêche pas. Mwanamke asubiri. Basi mapana. Ici chez nous. Elle va prêcher. C'est votre choix. Ile ni kuchakula kwenu. Mais vous n'êtes pas l'église. Mais lakini hamna kanisa ya Bwana. Vous êtes une organisation. Mwe ni matengenezo tu. Religieuse. Ya kidini. Vous vous souvenez de moi et vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Qu'est-ce que Paul nous a donné de la part du Seigneur? Je veux cependant que vous sachiez que vous reteniez que Christ est le chef de tout homme. Dans le mariage, Mundoa, au-dessus de Michel, lulu ya Michel, pas de papa, hakuna papa, pas de mama, hakuna mama, pas de muyomba, hakuna muyomba, pas de mama, hakuna mama bene, au-dessus de Michel, lulu ya Michel, c'est Jésus, Yesu, la parole. Neno. C'est pour dire, kusema, Michel, Michel, tu obéiras utachi, seulement à la parole. Kuneno la Mungu tu. Oh non, Baba Nzarisema. Oh, ouais, c'est papa qui est. Est-ce que Bile Baba Risema? Est-ce que c'est que papa a dit? La Mungu, c'est la parole de Dieu? Non, elle a dit c'est selon entre votre coutume. Entre votre coutume et la parole de Dieu. Nini, qu'est-ce que tu feras? Si tu prends le coutume et votre coutume et toi-même, vous allez vous êtes perdu. Mune chapotea. Frère, ouais, oui, kalaga na kia. Donc, vous n'avez pas vos coutumes. Hein? Nous sommes nés. Si tu n'es pas allé quoi? Par la voix des tribus fulani. Kupitia manjia makabila kwa chana chana. Et Dieu na Mungu, nous en a sauvés. Alitutosha tosha mule. Il a fait de nous na netufanya, des hommes et des femmes tunakuwa banaume, banaume, de la race de Dieu. Bajirazi ya Mungu. Est-ce que les élus sont là? Et tu as teulu yoko hapa? Ah oui. Ah. Ils sont éclairs. Ah, mulilio kuwazi. Je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme. Frère Michel, Beba Iver, quand vous arrivez dans la maison, même s'il n'y a pas l'écran, tu colles ça, mets ça au mur. Le chef de cette maison, c'est moi. Au-dessus de moi, Jésus-Christ, la parole. Kama mtu anaanza kukuambia vitu wewe unamshikia epona mbele kule. Tu vas dire d'abord là-bas. Tu es celui qui a été établi. Et tu wenjo uweka yulu yangu. Hata wewe dada. Même toi là. Banaanza kukonesha. Unaona? Paka kama shukuzala. C'est pas si je t'ai jamais engendré. Qui a été établi au-dessus de moi? Ula riweka yulu yangu nani? C'est Michel. Ni Michel. Et au-dessus de Michel. Na yulu ya Michel. La parole. Ni non la Mungu. Amen. Amen. Et que l'homme na est le chef naume, de la femme. Et que Dieu na Mungu est le chef de Christ. Ni mkubwa wa Christu. Amen. Amen. C'est pourquoi. Je commande. Suivez maintenant la suite. Fati sa inafati. Regardez comment. Mangarien, vile Mungu asema. Verset 10. Musaya kumi. C'est pourquoi la femme, mwanamke, bibi, à cause des anges, waje ya malaika, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Anapashi kwa pakicho yake na alama moya ya mamlaka ile iko naangalia. Pourquoi elle doit avoir cette marque? Anapashi kwa na ile alama. À cause de la présence des anges. Kwa ajili ya upe wa malaika. Maintenant écoutez. Mushike ça. C'est à cause du Saint-Esprit. Ya Rome takatifu. Parce que le Saint-Esprit. La Rome takatifu. Est celui qui veille. Ni ule heko na kesha. Pour que les choses se fassent comme la Bible le dit. Jubitu fashike par la Bible asema. Sinon vous allez mal interpréter. Ramza, oh, il y a des anges ici. Sema apa pa uba malaika apa. Ici. Apa. Se trouve l'ange de l'Éternel, qui est le seul surveillant dans chaque couple et dans chaque réunion biblique. Maintenant, quand l'ange descend, quand le Saint-Esprit vient, il regarde. Elle appartient à qui? Où nous anani? À Albert. Ou Albert. Elle appartient à qui? Où nous anani? À Kabila. Ou Kabila. Elle appartient à qui? Où nous anani? À François. Ou François. Elle appartient à qui? Où nous anani? Même vos prières. Ata maombi yenu. Quand tu pries. Wakati unaomba. Le Saint-Esprit vient. Quels sont ses rapports? Comment vit-elle avec son chef? Elle est insoumise. Adore à son frère. Adore moi le Saint-Esprit. C'est rien. Tu portes quelle marque? Tu appartiens à qui? Et quand le Saint-Esprit descend, il voulant te bénir. Mais quand le Saint-Esprit sonde ta vie, elle est très insolente vis-à-vis de son mari. Il dit, mais elle respecte pas son chef. Elle n'a pas écouté ce que Paul a dit. Quand nous venons, tu pries, elle dit la jeune fille, elle porte quelle marque? Elle est sous l'autorité de son père. C'est pourquoi même si nous célébrons le mariage, nous disons qui marie la sœur. Elle est sous l'autorité de son père. Elle est sous l'autorité de son papa. Amen. Amen. Oh, les enfants m'appartiennent. Le Kaonde, les Zanga, les Kikongo, c'est le Rundu. C'est une malédiction. Ni la Ana. Matriaka yote. Et tout le matriaka. Zambie, que ce soit des Zambies, que ce soit des Zimbabwe, que ce soit des Malawi, Botswana, que ce soit des Botswana. Tous ces pays où les maïtiotes, les Manasema. Lady first. Ah, batoto ni bana. Mwanamuke, la femme d'abord. C'est pourquoi on a beaucoup ça bilou. Vous voyez, c'est comme les hommes sont comme des insensés. Amen. Ah. Anza tout par Zambie. Ah, commencez justement par Zambie. Malawi. Malawi. Swaziland. Swaziland. Beko Babumba. Vous allez voir les hommes. Ce sont des insensés dans le mariage. La femme peut s'accoucher ici. Et donc, puis. Un désordre sexuel. Pujo tout moi et Vimouliando. C'est pourquoi. Je commande. Nous. Chie. Nous glorifions Dieu. Tout n'est juste cousin à qui tu vois. Dieu anime. Quoi il est Mungu, Artufandia. Il nous a sorti des tribus, de toute cette folie-là, pour faire de nous un peuple respectable, avec la parole d'un Dieu respectable. L'honneur est pour vous qui croyez. Amen. Amen. Toute femme devant le Seigneur porte une marque de l'autorité qu'elle est sous le commandement de tel chef. Est-ce que moi, ma soeur, mon assis, est-ce que vous écoutez? Ah, comment si tu ne comprends pas son affaire. Quand Dieu descend, Mungu ashuka, une veuve, Muyani, elle est sous la responsabilité de celui qui a dit, Yaula sema, je suis le mari Mienjo buana, et le défenseur na wa kukombania, Muyani. Amen. Amen. Maintenant, le non marié. Maintenant, bala baya olewa. Soit vous êtes sous votre papa. Soit ni baba yako ndio chef yako. C'est pourquoi on attend mon mambo amando. Ouais, même dans le mariage, il est malsain. Ni mambo baya. Ya buchafu. Ya buchafu. Non, vous êtes pas mambo ya mari. Vous êtes à ce qui concerne la dot. Bon, maman que naye, la ouais maman que c'est ma. Toi aussi tu dois parler. Dio, oui. Minjon di Muzala, c'est moi la maman de cette fille. Je le papa cherche à quoi? Comme son père Minjo Baba Minjo, c'est moi le père, c'est moi la mère. Adina Ville. Ce n'est pas comme ça. Adina Ville. Ce n'est pas comme ça. Mama, maman ne peut pas être là à discuter la dot. C'est derrière ton mari. C'est ton mari qui tape la dot. Quand tu restes derrière ton mari, il ne faut même pas parloter là-bas. C'est malsain. Ni mambo a buchafu. Parce que Dieu, en regardant la femme, Dieu cherche qui est le chef de celle-ci. Chef yake ni nani? C'est elle. Ni fulani. Et toi, frère, na wenduku, quand tu es un petit lumbetika, quand tu es efféminé, tu es maudit. Ma femme, tu dois d'abord parler. Tu es insensé. Mwanaume, c'est un homme qui m'a mamulaka. C'est lui qui nous a créé, nous les hommes. Bwana mbariki. Que Seigneur bénisse. Oh bon, unaona mimi spende tu fujo. Je parle mina chef d'angwa. Voilà pourquoi je demande à ma femme de parler. Tu es insensé. Tu es insensé. Et tu répondras de moi. Na utajibwa kajua ile kumbele ya Mungu. Oh non, n'a pas eu mambo. Voyez, attendez d'abord que ma femme doit décider. C'est toi la tête, non? Moi, j'ai dit qui soit. C'est toi la sagesse. Moi, je suis qui ma nyumba. C'est toi Dieu de la maison. Je mungu munyumba. Là où on est. Parlez tu. Verset 7. Vous savez ça. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Achèze que tu fournis qu'à qui toi. Achèze quoi, Abimanuel et Bilé. Ça va y avoir beaucoup de cheveux dans pourquoi la tête. Pourquoi Dieu donne la raison. Mungu ala leta sababu. Puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Sababu yeye ni picha na utukufu ya Mungu. L'homme c'est un dieu. Mwanaume ni Mungu. Même pour sa maison. Atanjo ya nyumba yake. C'est lui qui conduit les affaires. Dieu anaongoza vitu ya nyumba. Non. Na mwe batoto. Et vous les enfants. Apana kuya, mama anafanya. Mama afe sa. Si papa. Si papa afe. Papa aussi. Kumwane kulaniwa. Tu es maudit, maudite. Kumwane kulaniwa. Tu es maudit. Tout enfant est sous l'autorité de son papa. Et pourquoi? Pour ce qui est du mariage, la Bible dit, Dieu dit, l'homme quittera. Il quitte quoi? L'autorité parentale. Parce que maintenant il est en mesure d'être indépendant. Est-ce qu'on dit de la femme qu'elle quittera aussi? Est-ce qu'on dit de la femme qu'elle quittera? Non. La femme, mwanamuke, on la marie. Ye, beko na muowa, bena muowesha. On la donne. Beko na mpeleka. Amen. L'homme vient chercher. Bwana, mwanaume anakuwa kutafuta. Anakuwa kutafuta. C'est pourquoi vous, mon soeur, mwe badada yetu. Mwache kubipe bantu majiba. Arrêtez de bipe les hommes. Cherchez à paraître les à découvert ses de position. Une fille qui cherche les hommes. Tu as des démons. Tu as des démons. Par ma Facebook. Sur Facebook. Bonjour frère. Bonjour Ndouk. Ma femme si haute est un esprit à Shetan. Kama wenjo nanzia po bwa naume ni roi à Shetan. Oh c'est notre frère. Est-ce que c'est mauvais de le saluer? Est-ce mubaya ni kire kami na mlamukie? Ikala. Reste. Mlamukie ba soeur. Salut tes soeurs. Tout ça tu veux faire avec quel objectif? Pour l'attirer. Je vous t'engalisho. Prenez proverbe. Tu veux mes ânes. Proverbe. Mes ânes. Proverbe 13. Mes ânes, kumi natat. Nous sommes dans un âge très compliqué. Dis-moi qui atari. On a mon cachet quoi, chombo qui a Satan. Elle est venue devant une vase de Satan. Proverbe. Mesali. Attendez. 7. Prenez Proverbe 7. Oui, Mesali Saba. Écoutez comment l'homme de Dieu Salomon, avec la sagesse que Dieu lui a donnée, comment il écrit. Proverbe 7, verset 6. J'étais à la fenêtre de ma maison. Et je regardais. J'aperçus parmi les stupides. Pumbafu. Minona bumbafu wa bumbafu. Parmi les stupides. Qui c'est? Nani? J'ai remarqué parmi les jeunes gens. Yokona pa katikati ya biana. Un garçon dépourvu de sens. Yana moya acha kupoteza sa kiriyoti. Mwe ba biana munishikie sa. Les jeunes écoutez. Mwanamuko na kwanza matak. Une femme qui commence les avant. Et tu acceptes, tu es stupide selon Dieu. C'est l'homme qui cherche la femme. Mais si toi la femme, tu commences devant, et toi tu acceptes, tu es tellement stupide. Même si elle mettait les seins à nu, même si tu voyais ses derrière, si tu tombes dans tes pièges, tu es stupide. Tu es stupide. Il passait dans la rue, près de l'angle, caribou na ma pandangia, où se tenait une de ces étrangères. Il s'est dirigé lentement du côté de sa demeure. Na arianza enda pole pole kungambo bakao yake. C'était au pré-crépuscule pendant la soirée. Ilikuwa ni kumangaribi. Kumangaribi. Au milieu de la nuit et de l'obscurité. Katikati kule kumagiza. Et voici. Natazama. Il fut abordé par une femme. Mwanamke anaanza kufuata. Mwanamke anamtukia sauti wa kwanza. Banamuke frère. Ni femme. Dada. La femme, elle n'est pas téméraire. Oh, ni dame de fer. Oh, ni Satan. Ça, c'est diabolique. Oui, mon amouké. Toi, les femmes. Pima tout town. Oh, c'est pas, tu verras. Oh, si tu verras. Pas comme un ami, je suis fanyaké. Si moi aussi, je n'ai jamais fait ça. Tu es malheureux. Tu es une maudite. Waouh, le kumonye kulani wa mon amouké. Tu respectes ton mari. C'est pourquoi tu es une étrangère. Tu es aveugle et nu. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée na alikuwa anakonekana kwa mdumba et dans son cœur na ndani moyo wake mlikuwa bujanja. Mnaona baba jeune fille bote wapenda mamitié par ma raison dans leur cœur il y a la ruse mko bujanja. Unaona moyo baba jeune frère ni jeune frère vous m'étonnez des fois. Unaona tu jeune sœur que pour caméra parce qu'elle est au caméra en train de parler un peu français et pour toi et puis quoi quoi quand les casseurs quand la chatte là en tout cas tu crois que le mariage c'est tout ça. C'est un grand mystère. Pourquoi? Joanine. Parce que Sababu, dans cette affaire, oui, mambo, on n'y entre pas aveuglement. Celui qui a dit que c'est un mystère, allez vers lui, dites-lui maintenant que c'est un mystère. Mystère veut dire, hein, c'est une chose tellement secrète, hein, ni jouer ou le mitaowa. Je ne sais pas laquelle je vais épouser, mais toi tu dois forcément la connaître. Aide-moi que je ne puisse pas tomber au miteko. Verset 11. Elle était bruyante. Alikuwa kwangala. Hapana. Moto macho nguvu. Badada muku pale. Monsieur, vous êtes là. Kama munyumba konjwe vune kala. Si dans ta maison c'est comme ça. Na bwanako munyane sa uyaseji. Et ton mari c'est que non. Moto na waka. Là, elle allume le feu. Tu n'es pas une femme. Aona bibi. Tu n'es pas une femme. Aona bibi. Maintenant, tu es maintenant, je suis qui? Tu es agent de Satan. Oui, je fais la case de Satan. Et même dans cette église, tu es agent de Satan. Oui, je fais la case de Satan. Maintenant, on va mourir. Maintenant, prie le Seigneur. Tu es le fou, tu es le fou, tu es le fou, tu es le fou, tu es le fou, tu es le fou, tu Elle était brillante. Alikuwa moto. Bila kujizuiza. Elle n'avait pas. Sans retenue. Mwanamke anajizuiza. Une femme, elle a de la retenue. Pas qu'on fait un kintu. Avant de faire quelque chose, se pose d'abord la question. Est-ce que moi je vais faire. Ah, c'est honteux. Ça sera honteux pour moi. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Alikuwa zobakia munyumba. Mnaona moi ba sœur. Ouais, vous les sœurs. Ni kutoka, tu quittes la maison, tu laisses les enfants avec la morgue, la maison dans les salubrités. La maison dégage, même quand quelqu'un demande de l'eau, un gobelet sans. Mais tu es toujours chez les gens, dans les parcelles. Qui est venu, ma soeur? Allons un peu au nord. Regarde d'abord ta maison. Est-ce que c'est toi qui vas me mentir? Et tu vas payer les cercueils. Tu es toujours agité. Une femme agitée qui saute de parcelle à parcelle. Et Ushiriki, je vais aller visiter le mariage. Elle est malade. Et on a foutu qu'à vous. pumbapu mwa ndani yake. Mwa mutamona se nwa kiro. Elle est spirituelle. Est-ce que ça que vous dire yo? Elle manque pas au dé. Oh, bongo. Vous êtes faux. Va fouiller ça. Mwendo kangare mnyumba yake. Temeli melo. Ni mchango buchafu pashote. Bwana mbariki. Que Seigneur bénisse. Observe leur frère Nishiki. Mnyangarie. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Kuntu wa Shianawa, elle n'était pas encore lavée. Arufu yote ya transpiration. Toute la nuit, toujours en cours de rue. Elle est au marché. Si elle passe à côté de toi, tu touches le nez. C'est qui apprend maintenant à l'homme. Ah toi tu es vraiment pareil, tu connais rien. Tu sais que moi je t'aime, tu vas me marier. Tu es insensé. C'est à toi d'aimer. C'est la femme qui t'aime maintenant. Et dans la maison. C'est la femme qui t'apprend maintenant comment il faut au lit. C'est pourquoi, honnêtement parlant, il faut épouser une fille qui ne connaît point d'homme. Vous allez arriver au lit. Oui. Toi aussi. Vous la cinglez. Ah, allez, ça va aller. Si tu es devant un enseignant. On a quoi? Mbele à Mouari Moussasa. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est elle qui a de l'autorité maintenant. Ah, musée, moukou, ancien, il y a les enfants. Si bien tout bien, c'est honteux. Quand Dieu parle, wakati mungu asema, Dieu corrige mungu les esprits. Elle le saisit. Elle l'embrassa. Nakamgusa. Bwana, ashkulombe biz. Il ne t'a pas demandé de l'embrasser. Toi, tu commences à embrasser l'homme. Et d'un air effronté. Na ali moya. Avec. Frère, il y a courage à Rongouvou. Avec. Bilataya. Un air affronté, sans honte. Et qu'on a monné sur le monde. Et dit à cet homme. Je devais un sacrifice d'action de grâce. Mille pas à toi, tenez-moi à Shukuran. C'est mon anniversaire. Il y a un anniversaire en Gouléo. Aujourd'hui, c'est le jour où on m'avait collé les grâces. Je suis collé les grâces. Aujourd'hui c'est Noël. Léon est bonne année. Aujourd'hui c'est bonne année. Je devais faire un sacrifice. Mi pas que toi, ça dans moi. Ça dans moi. Faire un sacrifice. C'est à moi de t'accompagner. Tu t'as fait des bandes pour aller y accompagner mon frère. C'est la même nature que toi pour aller offrir. Aujourd'hui j'ai accompli mes vœux. Léon mitimiza qui a pour un. Qui a pour qui a mungu ou bien qui a chétan. Vœux de Dieu ou le vœux diabolique. C'est pourquoi. Je suis sorti au devant de toi. Mi to kameliaku. Tu vois, Jean-Marie, quand je te vois, je me suis toujours dit, c'est vraiment que vous puissiez réaliser un horreur, que vous puissiez marier, et toi tu penses qu'on t'a donné de l'eau froide, tu acceptes même. La fille là, non, elle-même, tu es insensé. Le mariage ne commence pas comme ça. C'est pourquoi je suis sorti pour te chercher et je t'ai trouvé. Na mina kupata, j'ai orné mon lit. Ainsi de suite, vous avez mis à la maison. Regarde maintenant le verset 29. Mon mari n'est pas à la maison. Anata. Il y a des femmes mariées aussi. Kuba bibi banye kole wanabo. Et qu'on engraisse sima regarde, c'est dit. Mimi na penda kaba. Bwanangu vraiment. Moi. Mimi na penda kaba tu savais. Moi j'aime. Engraisse génial. Le mari comme regardez comme génial. Que génial soit mon mari. Iki changu. Mon mari ici si, hein. C'est trick ici, je ne sais pas. Chez où hein? Je ne sais pas. Je me teste. Mine kala tsimi. Mon mari n'est pas là. Bwanangu anako. Mwanamke anafurahia kana bwanake. Une femme se contente de son ça, mari. Ouais. Mais toi, tu compares ton mari avec les autres. Ton mari, même si c'est pas parler français. Mais tu lui avais déjà accepté. Même s'il n'a pas de moyens. Tout ce monde que tu vois à l'extérieur de son patrie, c'est lui que tu as, c'est lui qui t'appartient. Même s'il est de court taille, il est géant. Même s'il n'a pas fait des études, Ouais, si tu n'es pas content, c'est de là que l'adultère commence. Regardez maintenant. Mangari. Verset 22. Elle le séduisit à force de paroles. Akamutongoza na misemo. À force de messages sur WhatsApp. Wale ma ujumbe à force de messages sur Facebook. Ma message akwa mingi pa Facebook. Unaona kabla nakutumia message. Wale quand on t'envoie des messages à ce moment, c'est fini, tu es tombé. Unaanguka. Tu es tombé. On a dit tout échanger. Thomas a échangé. Cette fille est sympa. Non, moi, ah, ni caracol bien. Bon, on va sur le elle est sympa. Non, si on dit qu'elle est sympa, on a quoi na connais ça, tu es devenu sage. Bumba, Foucault, français. On en a ça français. Français. D'autres pensent que les Français c'est d'être sage. Angara Macron. Regardez Macron. Il est à Jubunawa. À son âge là, tu prends ta grand-mère à mariage. N'est-ce pas, il parle français. Il parle français. Elle est sympa. Elle est cool. Elle est cool. Elle quoi bien. Bumba. Insensé. Bumba. Verset 22. Il s'est mis tout à coup à la suivre. Comme un bœuf qui va à la boucherie. Comme un fou, on lit pour le châtier. Jusqu'à ce qu'une flèche lui transperce le foie. Comme l'oiseau qui se précipite dans les filets. Frère, écoutez maintenant. Verset 24. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Roho yako ishende kwa mwanamke wa hivi. Ushende. Nelipalaba. Ne te garde pas dans ces sens. Pas kwenda kupota mwile mandia yake. Pourquoi? Jua nini? Elle a fait tomber beaucoup de victimes. Asha kuangusha mobatu ba mingi. Na yeye nafia na wao kwa victime. Il va essayer na wao anguke mule. Ils sont nombreux. Beko ba mingi. Tout ce qu'elle a tué. Et sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Ninji a coupé à Paris à Bafou. Bon embarri. Seigneur bénisse. C'est pourquoi moi naoumé. Ce n'est pas les muscles, la grosse voix. Un homme, c'est le caractère. Nitabia. C'est le caractère. Nitabia. Et une femme, c'est aussi le caractère. C'est l'homme. Kwa mwanaume, c'est le caractère d'un chef. Ya mouche, ici, apa, c'est la femme. Mwanamuke, c'est la douceur. Ni upole. Mais quand nous vivons un âge, où tu trouves chez la femme kwa mwanamuke, un caractère d'une. Ou qu'on raté. Tu es déjà raté. Tu es raté. Raté. Tu es un, parmi les femmes, toi, tu es un échec. Tu es un échec. 1 Corinthiens 11, là où nous étions. Parlez tout du coup, hein? Verset 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. C'est pourquoi il faut qu'on vienne à Rasta. Ce n'est pas la volonté des dieux. Jésus, il avait beaucoup de cheveux parce qu'il était consacré. Selon la loi de Moïse, un Naziréen ne devait pas le couper les cheveux. Amen. Comme Samson. Ça, Samson. Maintenant, eux, les races, ils font ça pourquoi? Ils sont consacrés au chanvre. Bang. Pourquoi ils font ça? sont consacrés au chanvre. Ils fument. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Maintenant, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Frère, et même ton mari doit se réjouir. Et toi-même, tu es content. Tu dis que je suis la femme de Michel. De Michel. Na Michel, on a ce et Michel doit dire, c'est moi le pour d'été. Tu dois faire la fierté on de ton mari. On n'a pas fura ya bwana. Ma soeur, pourquoi pas? Soeur, tu dois faire la fierté faire de ton la, mari. On n'a pas fura ou la fierté ya bwana. Une femme, ça, mon amour, il y a comme beaucoup désordonné. Moi, ou à foutu. On regarde ton mari. Oui, type, ouais, sérieux. Ce monsieur, il est sérieux. Alors, on a mais comment tu t'es rencontré avec ce démon? Elle a eu comment ceci? Mouboulevi. Dans l'ivresse. Mou carrière. Ou carrière. Ils ont rencontré. On ne peut pas suivre un homme respectueux. Aller prendre avec. On dirait, c'est comme si. La femme Manamuke doit faire la gloire de Dieu. Elle pas au tout à mon homme. Faut comment à voir le bien. Même mais si quand on voit ta bien, femme. Quand tu as un homme biliaco. C'est sa femme. Il mérite vraiment. On a style en tout cas. Un coup de chapeau. Tout mon chimie. Il a une femme très on a bibi moi wa heshima. Et sa femme n'est pas légère. Na biliaki ana mwanamke wa pesi wa pesi. C'est une femme très correcte. Ni mwanamke wa kunyoloka mgoyaki. C'est une femme, frère, quand on la voit, on regarde à son mari, on ne va pas mon corps. Je t'ai fait un don. Bonne embarque. Ça, je relise. Maintenant, tu dois poser la question dans ton cœur. On a quoi qu'un millier. On a quoi de moyen qu'on fait des choses, qu'on participe à y aller à t'habiller avec. Tu vois, les bâtards, où mon amour est. Famille, si. Et on ne bon, comme ça, son mari ne remarque pas. Et on a vu l'homme baïf. Bon, ouais, c'est habillé comme ça. Son mari ne lui dit rien. La femme Bibi reflète hein, le caractère de l'homme. Tabia abouana. L'église kanisa, véritable ya kweri, reflète chez nous. Kanisaka, Yesu. Quand l'église tient la parole, kanisa, kuneno, on dit ça c'est chez nous. Mais quand l'église est comme ça, kanisa, ya mankumba, kumba. On dit abani. Ça, c'est l'église de Jésus. Non. Non. Ce mystère est grand. Mystère comme Kouboua. Bon embarri. Que Seigneur bénisse. Verset 8. Vous savez, en effet, pourquoi? L'homme n'a pas été tiré de la femme. Moi, Naomi, je suis comme Manamouke. Manamouke, Njo Barimumba. Celle qui a été créée. À partir de Mouili à Manamouke. À partir de l'homme, du corps de l'homme. Elle a été tiré du corps de la femme. En d'autres termes, la femme est une partie de l'homme. On peut regarder la femme, on voit l'homme. Parce qu'elle a les caractéristiques de son mari. C'est pourquoi le mariage public, frère, l'homme épouse sa partie. Anenda koa kipande semu yake. Auta mchukia? Eh, tu peux pas y. C'est une partie de toi. Ni kipande kiako. Amen. Tu dans le mariage. Mundoa. En soi, c'est pourquoi quand on va à genoux. So, quand tu es vous les jeunes gens. Moi babiana. Dites Seigneur. Mwambie Bwana. Il y a des belles filles. Babi bazuri be kwako. Il y a des jolies femmes. Kubana mke bazuri. Mais moi je cherche. Mais mina penda semu yangu. C'est ce qui fait que je sois incomplet. Ou l'enfant est nuit à qui panne. Ou t'es niachisha mina bakouetou. Moi, tu peux pas me séparer de ma famille. Est-ce que ta famille, c'est ça une partie de toi? Ah, ben, je ne dis ça, lui, quoi, n'a pas. Ce sont les gens avec qui je suis. Oko bombafo. C'est mon sang, tu es insensé. La femme Manamuke est tout ce qui te manquait. C'est pourquoi tu dois quitter tes parents. Ta maman est tout ce qui manquait à ton père. Ni bale, ta soeur est tout ce qui manquait à son mari. Et toi, weye, ce qui te manquait, c'est Dorcas. Ni Dorcas. C'est pourquoi la Bible mana, dit que personne que mutu, ne puisse séparer ce que Dieu a uni. Dans le mariage, Ndoa, il faut que ce soit fazali, que Dieu auteur de cette union. Jo alianzisha ile muungano. Pourquoi fraude comme ça? Le fraude n'est pas correct. C'est vous-même, vous êtes. C'est pourquoi on a. On a pris ma coubambique, ça n'a pas collé. Ça ne colle pas. Non, vous êtes de coller, moi, la Chinois. Il y a le code de Chinois. De coller, ça ne colle pas. Vous êtes unis vous-même. Mais là, si c'est Dieu qui vous a unis, vous verrez que même à la vieillesse, vous devenez des amis. Vous n'avez pas la fille. Des fois, mon écart là, vous vous mettez là. On a mushirikisha, il énerve un peu, il t'énerve, vous énervez. Vous vous supportez. On a vous miliana. Et même quand elle te fait des choses, ça ne pèse pas beaucoup. Ça ne pèse pas beaucoup. Abina bujito sana kugoya. C'est ma sœur, ni dada yangu, c'est mon ami. Ni ndugu wangu, ni rafiki yangu. Et nous avançons. Na tunaendelea. Frère, huyo haina mwanamke. C'est pas une femme. Ririunga mwe benyewe. C'est même vous êtes ici. C'est pourquoi sina mwanamke. Kwa maana c'est pas une femme. Ni mwanaume. C'est un homme. Bwana mbariki. Que Seigneur bénisse. Il faut que Dieu soit notre. Il n'a pas d'âge Mungu anze. La femme a été tirée de l'homme. Mwanamke amtosha wa mwanaume. Amen. Ah. Et non seulement cela. Na inapaka hili. Écoutez comment Dieu parle. Mushikie tena vile Mungu anze. Mais la femme. Lakini mwanamke. Verset 8. L'homme n'a pas été tiré de la femme. Mais la femme a été tirée de l'homme. Écoutez le verset 9. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Mwanaume abakumumbe juu ya mwanamke. Français facile. Ce n'est pas pour les besoins de la femme que l'homme a été créé. Aina njo mahitaji ya mwanamke njo bali waumba mtu. Mwanaume. Le besoin c'est chez l'homme. Mahitaji kono kwa mwanaume. Et si ce besoin là, mahitaji ile, il faut une femme. Inafai kwa mwanamke. Maintenant, besoin ni kufama sana. Mahitaji c'est de faire la vaisselle. Kufula. Elle est tivée. On a fait pas besoin, il n'y a pas de problème. La raison pour laquelle tu as été créé pour l'homme, non, j'ai refusé. Moi, toi, tu ne me connais pas. Je vais aller me coucher dans la chambre des enfants. Tu as et même quand les enfants entendent ça, tous les enfants, moi, dites, comprenez seulement moi, que maman est maman stupide. Mbafu. Elle a été créée à cause de papa. Par Mumba joue à papa. Pas pour faire la vaisselle. Pas pour laver et repasser les habits. Kukoma, vitu bingine. Si mon âge engagé, mon tagage, j'en ai engagé quelqu'un, une femme de ménage peut faire créer à cause Arumba, de l'homme. Ya mwanaume. C'est pour Ninju, dire que le mariage mandoa, est fondé sur le rapport intime. Ni mapatano wa mumwili. Pour éviter la débauche. Jou kuepuka pour éviter le boulalé là. Jou kuepuka que chaque homme akona bibi yake na mwanamke wote akona bwanake pour cette cause là quand Michel aura wakati besoin Michel ataitaji anaenda kwa Dorcas kama Dorcas anaikuwa na besoin anaenda kwa Michel. Est-ce que c'est correct? Et tu vois nyoloka. Mais d'où viennent tous ces troubles? Mais sasa hii fujo yote inatokea wapi? Sont des ratés. Ni bale basha kuglusa. Sont des échecs. Bale batoka mbaya. Comme Satan. Sabe le shetani. N'est pas resté inactif dans ce cas. Il a saisi des hommes et des femmes pour que faire que le mariage soit un fiasco. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Mais la femme a été créée à cause de l'homme. Toutefois, verset 11, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Bila mwanaume na mwanaume vile vile bila mwanamke. Amen. C'est pourquoi. Je commande. Dans cette affaire. Oui, mambo. Si chacun gardait sa place. Kama kila mtu anachunga fazi yake. Tout sera paix. Yote itakuwa tu ni salama. Et joie. Na furaha. Mais quand une pièce se détache. Mais lakini kama kile kitu moja kinatoka. C'est le trouble. Ni kusema fujo inaingia. Et comme c'est un mystère. Na sasa vile ni siri. Dieu a même montré. Mungu alionyesha akonesha. Voilà comment l'homme doit se comporter. Kama vile mwanaume apasi jitwala. Comme Christ. Kama vile Kristo. Se dépense pour. Yeye mwenyewe anajitoa sana juu ya kanisa. Christ. Kristo. Se sacrifie. Yeye anajitoa juu ya kanisa yake. Christ, Christ est celui qui prend soin de son église. Un véritable homme mwanaume wa kweli Achez quoi kitoko sana bibi yake mtaa. Pas être trop chic et sa femme sale. Kama unaona makuple. Si vous voyez les couples. Bwana ko chic. Où le mari est trop chic ou sa. Et la sœur désordonnée. Si la sœur qui avait elle a robe ya vert, la robe rouge. Et y a un mouchoir de tête noire. Son frère moi je sais ma frère yangu. Ma femme ça non, ça non. Déjà vous êtes moqué de nous en cours de route. Kama unaona bibi yako na désordre. Si tu vois la femme avec des désordres comme ça. Ou le mwanaume. Sa tête ne tourne pas. Qui tu as gagné tout bien. Ma femme ne sait pas s'habiller. Apprends là, c'est toi le chef. Tu la laisses, elle quitte, elle soutient vers... Frère. Douk. Comment tu es insensé. Comment apprends là. M'fondisse. Apprends là. Tu laisses la femme désordre. Quand on va la regarder en cours de route, c'est moi qu'on va voir. Non, non, frère. Mine kalaka chic. Mine je te vois toi par ta femme. Mine kona wewe kupitia bibi yako. Je te vois par ta femme. Mine kona kupitia bibi yako. Unaona désordre ya mwanamke. Fujo, ne désordre ya mwanamke. Batu wanaonaka kwa upesi. Mine sikuingia hapa mimi na mapapa. Mine ici avec des babouches. Bila tu bien couffo et avec tout ça. Chaussures, mais quand on regarde à ma femme, quand on biangu, fermons la bouche et fermons les yeux là-bas. Mais Bibiang qui quand même. Mais sa femme quand même s'habille correctement. Ou t'en es chimie à temps de jouer. Mais respecter à cause de ma femme. Ça c'est quand Bibiang qui est désordre. Si la femme est désordre, moi je suis chic. Qu'est-ce qu'on m'a dit? C'est un égoïste. Où bwana ouye ko chou. Asa ou dipendele à sana. C'est un égoïste. Bwana mbarik. C'est pourquoi Jukomana, l'homme doit agir comme Jésus vis-à-vis de son église. Kanisa, et la femme doit agir comme l'église. Na, bibi na pas kutenda sa kanisa. Mais malheureusement, kwabati mbaya, nous vivons un temps de la rébellion. Ya utombozi, les églises makanisa, rebelles tomboka, vis-à-vis de la parole. Aneno, et chez les femmes, na, rébellion bana utombozi, dans des couples majama, vis-à-vis de l'homme. Mbele babwana, mais Dieu ne manque pas de témoins. Basuda, soyez l'un des témoins de moja, Christ. Ya Christu, que le Seigneur vous bénisse. Très bien. Mzuri. Je suis dans le bon. Niko mwakati. J'apprends maintenant à arrêter avant. Nous posons la question dans l'assemblée. Ni nani anayua kumambo fulani qui connaît quelque chose? Il est afanya que qui pourra toucher consacrer indo. Nous empêcher de consacrer ces mariages. Celui qui connaît que Michel a un enfant, bibi, il a une femme, na ou fulani, il vit avec une femme quelque part, Dorcas, ou Dorcas, se trouve dans une relation avec un homme quelconque, on a joué les mambo. Cela peut entraver la consécration, tu peux te lever. Na il est né sous Kishimamisha, on a sous Shimama. Et dis-nous clairement. Au balcon, kuna muntu. Là au balcon, il n'y a personne. Ça va. Merci. Mubaya. Comme il n'y a pas quelque chose qui peut entraver. Moi, bon, te mukuba shuda kusema. Nous tous là, nous sommes témoins. Engagement, engagement yote, anabeba maisha. Et c'est ça l'engagement que Frère Michel vient de prendre dans sa vie. Dorcas, engagement, anabeba maisha. C'est ça l'engagement qu'elle vient de prendre dans sa vie. Nous sommes témoins. Si bon, te tuba shuda. Y'a eu Mungano. C'est-à-dire, même si je voyais Dorcas qui fâche pour l'ami. Comment je suis témoin? Ça veut dire que vous avez mis à couronner à nous mouchouda. Le monsieur avec qui vous êtes, c'est qui? Ah, il dit, ah. Pourquoi tu me poses cette question? Oui, mais je suis témoin. Ah, dis, pour mis à couronner. C'est ma chef Fouyako, ni Michel. Je dois savoir. Et si j'ai trouvé Michel, na, à côté Michel, d'une fille, na, mon amour qui m'a foulain, frère, na, donc, venez un peu. Ouyou, mon amour qui m'a la fille, si c'est qui? Un frère, t'as quoi expliqué? On doit t'en passer. Non, non. Sur place, ça me passe d'elle. Et moi, je sais que c'est toi le mari de Dorcas. Oh, non, non. Oh, tu vois un peu, avant le mariage. Kunaisha. Ici, c'est fini. Kunaisha. C'est fini. Bwana mbariki. Seigneur bénisse. Maintenant. Ça. Ni nani mui kanisa. Dans l'assemblée ici. Apana banamuke. Pas les femmes. Baba kani muzazi kani eko napeleka Dorcas C'est quel parent qui marie Dorcas dans ce mariage? Celui qui dit que c'est moi, je donne Dorcas. Elle fait partie. Sous le pouvoir, le plein pouvoir, il y a Michel, Anatoka, mon responsable. La partie qui manquait à Michel, et je le mets sous la responsabilité de Michel. Si le frère est là. Comment nous kokomule, Anazushimam. Quoi pas? Nimie, niko na Moïsa Dorcas, kwa Michel. C'est moi qui marie Dorcas auprès de frère Michel. Ah oui, galaga nanjina. Vous n'avez pas de nom, frère? François Katombe, baba yake ya Dorcas. François Katombe, le père de Dorcas. Ça va? Michel. Oui, jina ko ni François. Vous appelez François. Et vous étiez le chef de Dorcas. Mais à partir d'aujourd'hui, son chef est devenu Michel. Est-ce que Michel a recouru pas mal? Est-ce que Michel a payé la dot? Dio. Oui. Na fura yoto ne tika kumpatia Dorcas ende akwevipi yake. Et de tout cœur, vous acceptez de céder Dorcas pour qu'elle soit sa femme. Vous acceptez de retirer vos mains. Frère, il n'y aura pas question de dire que je vais ravir. Ma fille est en train de souffrir. Ça va. Bible elle dit, sur tes paroles, tu seras condamné. Sur tes paroles, tu seras justifié. Ou tes sabiwaki. Que le Seigneur vous bénisse. Nous demandons à frère Michel. Prends bas ça, ça va donc Michel. Si Dafifi peut reprendre le bouquet. Dafifi, on ne se veut pas bouquet à ma soeur. Frère Michel, et Michel, dans ton cas, vous pouvez vous tenir debout. Papa te couche, maman. Levez-vous. Mugeuke mwangariane frère. Regardez-vous face à face. Dorcas chofa karibu. Avance un peu, sœur Dorcas. Nduku ni Michel Ilunga. Le frère qui s'appelle Michel Ilunga. Dorcas ni Dorcas Manyonga. Dorcas Manyonga. Na tuku na maulizo kiloko. Nous avons quelques questions à poser. Na hii maulizo. Et ces questions? Ni Michel na Dorcas batikishe mbele ya Mungu na mbele ya batakatifu. C'est que Michel et Dorcas puissent confirmer devant Dieu et devant les saints. Que bile murikuwa nafanya biapo muribeba musiri musekre. Le feu que vous avez pris dans les secrets. Mutu atikishe bio mbele ya Mungu sasa. Acceptez maintenant de nous le confirmer devant Dieu et devant les saints. Ulizo ni. Voici la question. Duku Michel. Frère Michel. Tout dépend, oui, ou t'as vu ce mot français ou bien. C'est parlé en français ou en swahili. Majibu ukune jadresse ni kwa Dorcas aina kwe. Vous répondez à la sœur Dorcas, pas à l'assemblée. Unaweza kuatikisha mbele ya Mungu na mbele ya batakatifu. Pouvez-vous confirmer devant Dieu et devant les saints que Dorcas njo jibu ya maombi yako. Que c'est Dorcas la réponse à tes prières. C'est la partie qui vous manquait toute votre vie. Malgré que tu vivais avec tes parents, oncle, tante, tu sentais qu'il y avait quelque chose qui te manquait. Et ce qui te manquait, c'est la fille Dorcas. Maintenant, vous allez dire à Sœur Dorcas, que cela puisse être scellé devant Dieu et devant les saints. Promettez tout ce que vous allez promettre à Dorcas. Et dire oui. À partir de l'heure. Quand il y a, à partir d'aujourd'hui. Que ce soit les femmes grosses, des courtes tailles, ça ne dira rien. Parce que j'ai trouvé ce qui me manquait. Qui te manquait, ce ne sont pas les filles de France qui parlent français, ou qui voyagent au Dubaï, ou qui ont fini au campus, celle qui te manquait, c'est Dorcas. Dorcas, je vais vivre avec toi comme enfant de Dieu. Je ne vais pas vivre avec toi selon notre coutume. Je te prends en mariage parce que tu m'appartiens. Et je ne te marie pas parce que tu es devenu la femme de notre famille. Tu es un petit là. Comme toi, tu m'as un mou. Maman, je vais te faire un peu. na baikare na ye kule inji. Na uku na mulaka. Et vous que allez promettre yoyote pour que Dorcas aishi musalama. Que tu feras tout ce qui est possible pour que Dorcas puisse Mumwili vivre en paix. Mwili na mukiro. Soit spirituellement ou physiquement. Kukotola atakotola. Elle peut broncher, elle peut avoir des erreurs. Utamuvumilia. Tu vas la supporter. Utamushauria. Tu vas la conseiller. Utamusaidia mubile ashiyue. Et tu vas la soutenir dans tout ce qu'elle ne connaît pas. Rifanya, ce que son père a fait, aujourd'hui ça s'arrête. Complete, mais c'est lui qui va compléter la suite, c'est vous. Autachambulaka bababa kembaba zaziake ya dada. Insultera jamais le parent de la sœur ou ses frères. Abikwangarie. Cela ne te concerne pas. Oué mambo yako. Soit ton problème. Mina kupata oué Dorcas. Je t'ai trouvé, toi Dorcas, pour que nous puissions yote vivre en paix. Tout ce que tu peux dire. Vide ro moyo wako. Videz votre cœur. Sauti ni kwako. Vous avez la parole, Doku. Tu t'adresses à Dorcas. On a mambi à Dorcas. Dorcas. Chofe sa karibu, frère. Upendo à Dorcas. Pendo wangu Dorcas. Chofesa mikro karibu. Et c'est aujourd'hui devant Dieu. Léo Mbelamou. Et devant l'église. Bela Kanisa. Que je te promets encore que. Nakula katina. Je ferai tout de mon possible. Kafanya yote wezekanayo. Avec l'aide du Seigneur. Namsada ya Mungu. D'être prêt pour toi. Chofesa mikro. Et Marie. Selon la parole de Dieu, jusqu'à ce que la mort me sépare de toi. Je te promets l'amour et la fidélité jusqu'à mon dernier souffle. C'est fini, donnez le micro à la sœur. D'Adorcas, on a chiqué bien, biote, ndianzo kusema njo ya kupermettre nduku apate. Kukulaka biliana kulaka. Tout ce que le frère vient de promettre, on suppe parler. Naweye uku uru yawe kulaka bilotalaka sa mwanamuke. Comme une femme, tu es libre de promettre tout ce que tu peux. On a etika avakuku forcé. Tu acceptes, on t'a pas forcé. Uyu akuse kulo kunenda. Tu dois savoir que dans le mariage où tu entres. Apana kuluri atashi kumoya kwenu. Tu ne dois jamais rentrer chez tes parents. Sauti ya Mungu iko nasema. La parole de Dieu dit. Jeune fille. Binti. Oublie. Sahabu. Ton peuple. Taifa yako. Oublie la maison de tes Sahabu. Parents. Nyumba bazazi yako. Weni mukirio wow. Kama kuchirio. C'est peut-être quand il y a deux. Baba kwana kufa. Et ton père est décédé. Ndio miko nachunga Michel afwa lipo autorisation. L'accord de mon Michel. Dorcas, on a deuil en famille. Ashkuniru, mon mari ne m'a pas encore autorisé de venir. Et devant Dieu, tu es Nambele justifié. Amou, toi, tu es quel genre de belle-sœur? Chef yangu, ashkuniru, mon mari kuya. Ne m'a pas donné l'autorisation. Bende bakamulize chef yangu. Allez poser la question à mon chef. Dorcas, we, mi, mama Dorcas yangu, toi, ta maman, tu commences à m'oublier. Maman. Je suis une partie de Michel. Papa. Tu es une partie de mon papa. Il faut oublier mes tu dois le dire clairement ici. Exactement, tu n'es pas une partie de ta belle-mère. Non. Mais ce que toi tu dois faire, c'est respecter tout ce monde. Mais ton mari, tu dois les respecter plus. Parle maintenant. Michel, mpendwa wangu. Michel, mon amour. Ninakulaka, nitakuwa mwanamke mtiifu. Je te promets. Nitakuheshimia. Je vais te respecter. Tafanya bete bila napenda. Selon sauti ya Mungu. Je vais faire tout ce que tu veux selon la parole de Dieu. Na pale lufu tatutenganisha. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Parle un peu fort, ma sœur. Michel, mupendwa wangu. Michel, mon amour. Mina kulaka, asema mita kurespecte. Je te promets de te respecter. Je serai soumis. Jusqu'à ce que la mort nous séparera. C'est tout. Unaisha. Ça va. Bile bina bakia mutenda kubyajuste kunyumba. Le reste vous allez ajouter ça dans votre maison. Ça va, reprenez le micro frère. Ben mikonduku. Frère Michel, vous me dévoilez dada. Ku Michel to shaushungia dada. C'est Dorcas que tu as aimé. Dorcas, mangarembe, Michel. Dorcas fixe d'abord Michel. Mangarie, accepte de les regarder. Ça va. Mutoche ma anoyen. Prenez, donnez vos alliances. Chofa dada. Weyo umufiki yake kwa tini. Mvuike. Si tu as de parole, ilo tamuvuika na yo anon. Alors, c'est moi, que tu es en train de faire porter l'anon. Mele ya mungu. Devant Dieu. Unese kubi. Bilo na kumbuka. Tu peux encore parler. Je sais que kumbe vantu kuku paka ka fruska na bambana. Il y a toujours une frustration devant les hommes, alors. Dorcas weka mkono wa gauche. Dorcas. Il en a kumbuka ce soir. Tu te rappelles quelque chose, tu peux parler. Dorcas, ma bien-aimée. Dans les secrets, j'étais toujours tout dit. Et j'espère que, avec l'aide du Seigneur, je vais tenir parole. Ça va. C'est comme qu'on a pas bouge. Dorcas. Michel, mina kuvika hii bag si ya matendo yangu. Na pale lufu itilipinganisha. Weka mkono yako hapa. Na we, kuchukue ya setu mkote. Tuta inamisha bichwa nipate kubaombea. Uzenklona setu, on va prier. Mufalme na mokozi wana Yesu Kristo. Seigneur notre Dieu. Mwenyara nzishaka mambo ya ndoa ni wewe. Celui qui a institué le mariage, c'est toi. Akukuku yake gouvernement. Il n'y avait pas de gouvernement. Député. Il n'y avait pas de député. Akukuku yake baburu. Il n'y avait pas de bourgmestre. Alors anzake le mambo Seigneur. Lorsque tu avais commencé le mariage. Kuna makanuni uriweka. Tu avais des lois que tu avais placées. Napashi kuishi mundoa. Comment est-ce que l'homme doit vivre dans le mariage avec une femme? Leo tuku kumbele yetu na nduku Michel. Nous voici aujourd'hui devant nous avec frère Michel. Et la sœur Dorcas. Seigneur. Bwana. Muvila baba bian kuheshimisha. Comme ces jeunes gens ils t'ont honoré. Mungu. Tu es Dieu. Aubacheke na ndeni ya Mungu. Et tu es débiteur de quelqu'un. Unaona binyewe banalakana. Tu as vu leurs promesses. Na bile banalakana musekre. Et dans les secrets c'est qu'ils sont. Leo banavionesha wazi. Aujourd'hui ils ont déclaré ça ouvertement. Sa bantu. Comme des hommes. Beko limité. Ils sont limités. Nani bazaifu. Et ils sont faibles. Weye maintenant. Et toi maintenant. Par permettre. Tu as permis. Yana huyu na dada bichi huyu. Et la jeune sœur. Papate kuona mnamo na heshima. Se marier honorablement. Huyo basaidie. Viens maintenant les aider. Kiloko ile barisema. Le pays qu'ils ont dit. Wo pate kuzidisha. Et tu puisses encore ajouter. Bache nguvu yote. Donne-lui la force. Nduku akwe mwanaume. Kwenye kweneana. Fait. Mumwili na mukilo. Dans le corps et spirituellement. Munyumba. Dans la maison. Dada kuye mwanamke mwanekonea. Mumwili na mukilo. Dans le corps et dans le spirituel. Seigneur. Bwana. Ula na barikaka bantu liweye. Et bénis les gens, c'est toi. Ubafanya baba biana bakuye ndoa mzuri. Ile nafanyaka ndoa kwa mzuri haina fedha, haina mavazi. Ni presence yako wewe. Kuya kumbi mwi. Bien, alors, dans ce mariage. Vile wewe. Wepeke kuya nabo, sois avec eux. Ubasindikize. Tu les accompagnes. Mumamagumu yote batapata. Ils peuvent rencontrer. Wekuya témoin. Sois témoin. Ya kusema wenjo msada yabo. Toi leur secours. Geuza mioyo yabo kuneno la Mungu. Change leur cœur à la parole de Dieu. Fanya que Seigneur. Et en sorte que. Bakutumainie mubyote. Puisse en toi. Ikwata magonjo ekwe mambo kani. Sois la maladie. Bayua kusema ula ritunganisha. C'est lui qui nous aide. Yote. C'est lui qui paye tout. Seigneur Ubasaidi. Aide le bon. Na si et tu naomba sa bantu. Nous prions comme des hommes. Mais wakunganisha mioyo. Qui va unir le cœur. Ma esprit. Les esprits. Na mili. Ainsi que le bon. Niwe Jésus Christ. Toi le Seigneur Jésus. C'est pourquoi mon jina lako Bwana Jésus Christ. En ton nom Seigneur Jésus Christ. Woyole alie Mungu. Toi qui es Dieu. Mwenye kubaita kuokovu. Les appelé au salut. Mimi na bawekea mikono. Moi je les impose. Wewe kwa ingia mukazi. Toi descends. Ufanye binyewe bantu abataweza kufanya. Les hommes ne peuvent pas faire. Au nom de Jésus Christ. Jina Yesu Kristo. Mina déclaré Nduku Michel. Michel. Nada Dorcas. Et la sœur Dorcas. Sa bibi na Bwana. Marie et femme. Accent Seigneur. Merci Seigneur. Naomba yote na imani. Nous avons tout prié avec toi. Mon jina Bwana Yesu Kristo. Au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Bwana mbariki. Le Seigneur vous bénisse. Bwana mbariki. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant. Ça. Elle est ta propriété. En quoi mal yako. Tu peux l'embrasser. On a eu comme goût. Moi je ne peux pas. Monsieur. Son père ne peut pas. Baba qui a été là. Tout autre homme ne peut pas l'embrasser. C'est toi qui en as le droit. On a quoi na rousse ça. Tu peux l'embrasser. On a eu comme goût. Sans gêne. Bila parce qu'elle est à toi. Sababu ni wako. Dorcas na wewe m'embrasser. Dorcas fait de même. Sasa beba voile yako. Beba ushunge. Muvike hiyo frère. Tu poser sur le port de frère. Frère pitia huku. Pitia huku. Dorcas ke huku angaria kumkusal kule. Frère pitia huku. Muvike voile yako yote. C'est le signe que ni alama kusema. Toute la domination, toute l'autorité que François avait, François il a Yulu, il repose maintenant sur le frère Michel. Et Dorcas accepte volontairement d'être sous la, le commandement de frère Michel. Que le Seigneur vous bénisse. On va les entonner un cantique. Et on va faire quelques pas devant. Nabataluria, ils vont rentrer. Na mwisho ya yote patatoka. Ils vont sortir. J'invite le président Alika, tangulizo ya ibada. loué, Sifa. Que le Seigneur soit loué. Pour la parole que nous avons écoutée. Dieu a né notre, on a écouté beaucoup de choses.